Ouvrir ou ne pas ouvrir ? Tel a été le dilemme des autorités allemandes après la réunification de la RFA et de la RDA. Je veux bien sûr parler des fameuses archives de la Stasi, la police politique de l'Allemagne communiste. Ouvrir représentait un risque certain, celui de plonger le pays à peine réunifié dans de longues et cruelles querelles internes. Certains, du côté des victimes, étant légitimement avides de vengeance, et d'autres, parmi les persécuteurs, craignant d'être livrés à la vindicte publique. Mais la question ne se posait pas simplement aux dirigeants de la Nouvelle-Allemagne. Tous les citoyens, et ils étaient des centaines de milliers, qui estimaient avoir été espionnés par la Stasi, ne devaient-ils pas avoir peur qu'en compulsant leur dossier, ils ne découvrent de pénibles vérités ? Comme dans le film « La vie des autres », ne risquaient-ils pas d'apprendre que même leurs conjoints les avaient trahis au profit de la Stasi ? Pour d'autres, c'était de vieilles amitiés qui s'écrouleraient d'un seul coup, exactement comme si un fossé s'ouvrait soudain à leurs pieds et engloutissait des pans entiers de leur passé. Alors, c'est vrai, certains ont hésité, tandis que d'autres n'ont pas reculé devant l'épreuve, quitte à affronter l'insoutenable. Quant aux autorités allemandes, elles ont choisi de soulever le couvercle en permettant à qui le voudrait de venir fouiller dans les 180 kilomètres de dossiers accumulés par la Stasi. Des archives dont le gigantisme s'explique par un seul chiffre, sur 16 millions de citoyens de la RDA, 6 millions étaient l'objet d'une surveillance de la police politique. Monsieur X, pour sa part, continue de fouiller dans ses archives et exhume une fois de plus de troublantes histoires. Le précédent nazi a vraisemblablement pesé sur la décision des autorités allemandes. Pourquoi ? Parce que le ménage n'avait pas été réellement fait après la défaite de 1945. L'épuration, vous voulez dire ? C'est ça. De trop nombreux nazis sont passés à travers les mailles du filet, et la campagne de dénazification entreprise à l'époque a été largement imparfaite. Oui, mais derrière, il y avait peut-être une volonté. Hein ? Celle de ne pas aller trop loin, certainement. Ouais. Je ne parle même pas des nazis authentiques, tels Barbie, qui ont été récupérés par les Alliés pour collaborer à la lutte contre les nouveaux adversaires, les communistes. Ouais. Et les scientifiques aussi. Hein. Oui, vous avez raison, ceux-là, on s'est plutôt battu pour se les approprier, même quand ils avaient les mains sales. Non, là je parle de tous ces bons Allemands qui avaient cédé aux sirènes du nazisme et à qui la société n'a jamais demandé de compte. Des notables, d'anciens SS et même des soldats de la Wehrmacht, qui n'ont rien ignoré des crimes de guerre perpétrés au nom de leur pays. Bref. La justice allemande s'est bien gardée d'être trop curieuse. Ouais, d'autant que beaucoup de magistrats avaient été aussi compromis. Et sont restés en place. Mais je ne veux pas accabler les Allemands, car il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'épuration telle qu'elle a été pratiquée en France. En tout cas, et c'est là où je voulais en venir, cet échec partiel de la dénazification a conduit les autorités politiques allemandes à décider d'ouvrir largement les archives de la Stasi. Pourtant, en Allemagne, il n'y a pas eu unanimité sur le sujet. C'est vrai. Et d'abord parce qu'on risquait d'attiser les rancœurs et les déchirements et de braquer encore plus les ossis contre les Wessis. Les habitants déshérités de l'ex-Allemagne de l'Est contre leurs opulents voisins de l'Ouest. C'est cela. Mais en rendant public ces tonnes de dossiers, on pouvait aussi craindre de découvrir des informations mensongères et tronquées. Ouais, de fausses accusations. Par exemple. En conséquence, certains ont estimé qu'il ne fallait pas prendre pour argent comptant tout ce qui figurait dans ces archives. Car on le sait, la Stasi n'a pas rechigné à recourir à la propagation de rumeurs pour salir des dissidents. D'autre part, est-ce que la simple fréquentation épisodique d'un agent de la Stasi faisait de vous un IM, comme on disait alors en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire un collaborateur officieux? Un mouchard, autrement dit, quoi. Et le risque, en accordant toute confiance à ces documents, était d'offrir à la Stasi une formidable revanche. Une revanche posthume, si je puis dire. Exactement. Donc il faut être très prudent. Et se méfier d'accusations proférées à tort et à travers. D'autant que certains ont exploité le filon. Que voulez-vous dire, là ? On a vu fleurir les vendeurs de dossiers, ou d'extraits de dossiers, des hommes ayant appartenu à la Stasi et qui ont monnayé les documents qu'ils avaient pu emporter en catimini après l'effondrement du système communiste. À des fins de chantage ? Pas seulement. Ces informations intéressaient aussi beaucoup les journalistes. Ainsi, Au début des années 90, l'hebdomadaire Der Spiegel s'est fait une spécialité de publier semaine après semaine ce genre de documents accusateurs. Et pour ce magazine conservateur, ce n'était pas sans arrière-pensée, car sous prétexte de ne pas réitérer les fautes du passé... Voilà, la complaisance de l'après-guerre pour les nazis. Bah, évidemment. Ouais. Et il s'agissait aussi de mettre en cause des hommes coupables d'avoir eu des sympathies de gauche et qui avaient aujourd'hui rejoint dans l'ex-RDA le PDS. Ouais, le parti qui a succédé à l'ancien parti communiste est-allemand. Hein, oui, mais autant de personnes qui avaient également été autrefois partisanes de ce qu'on a appelé alors l'ost-politik. Ouais, l'ost-politik, c'était la politique prônée en particulier par le chancelier Willy Brandt. Et reprise plus tard par Helmut Kohl, oui. Une politique qui visait à rapprocher progressivement les deux Allemagnes à une époque où, à cause de la puissance de l'URSS, la réunification n'était pas encore envisageable. Brandt pensait donc qu'une politique de petits pas pouvait à terme servir les intérêts des Allemands, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Mais pour œuvrer concrètement dans cette direction, il fallait bien discuter avec les dirigeants de la RDA. Et donc nouer des contacts. Et faire preuve de réalisme. Ainsi qu'un certain nombre de personnes ont été soupçonnées d'avoir eu des liens avec la Stasi et plus généralement avec les services de l'Est. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le leader bavarois Joseph Strauss, qui affichait pourtant un anticommunisme résolu, entretenait d'excellentes relations avec Berlin-Est, et que nombre d'hommes d'affaires ouest-allemands commerçaient avec leurs homologues de l'Est. Tout ça était donc assez compliqué. Et puis la frontière était parfois floue entre ceux qui ont vraiment collaboré avec la Stasi et ceux qui ont seulement eu des contacts avec des fonctionnaires de l'Est pour des raisons légitimes. Ce sera par exemple la ligne de défense de Manfred Stolpe, ministre-président du Land de Brandebourg, un des leaders de l'opposition au régime communiste. Ce pasteur, qui avait été président du consistoire de l'Église évangélique, a été accusé à plusieurs reprises, et même de façon assez circonstanciée, d'avoir été l'un des collaborateurs de la Stasi. Mais quand vous dites de façon circonstanciée... Pendant une vingtaine d'années, le pasteur Stolpe aurait entretenu des rapports avec des agents de la Stasi à qui il aurait fourni des renseignements sur l'Église et l'état d'esprit du clergé. Lors de ces contacts, il était reçu dans des appartements où la police politique avait l'habitude de recevoir ses espions. Et la Stasi lui avait même attribué, comme à tous les autres informateurs, un nom de code. Mais Stolpe, soutenu d'ailleurs par une partie de ses confrères, ne s'est nullement démonté et a fait face à ses accusateurs. Comment s'est-il défendu, D'une façon très simple. Il n'a pas nié. Il a donc reconnu l'existence de ses contacts. En effet. Il a même reconnu qu'il avait discuté avec des agents de la Stasi des centaines de fois. Mais il a aussitôt expliqué que c'était pour la bonne cause. C'est-à-dire On ne pouvait pas espérer changer le système sans prendre langue avec ses représentants. Et ce digne ecclésiastique a même ajouté qu'il aurait rencontré le diable si cela avait pu servir ses desseins. D'accord, mais la question essentielle demeure celle-ci. A-t-il, oui ou non, communiqué des informations à la Stasi? Vous avez raison. Et Stolpe s'en est sorti par une pirouette. Si j'étais un agent, c'est malgré moi. Ouais, coupable de son plein gré. Donc on peut voir des choses comme ça, oui. Et le pasteur, membre important du PDS, a accusé à son tour Helmut Kohl de vouloir d'abord abattre un adversaire politique embarrassant pour la démocratie chrétienne. Quoi qu'il en soit, l'affaire Stolpe montrait qu'il fallait en la matière faire preuve de la plus grande prudence. Car l'homme qui avait la haute main sur l'ouverture des dossiers de la Stasi, un autre pasteur, Joachim Gauck, a lui-même été accusé d'être un inquisiteur. Ouais. Mais il y avait aussi d'autres dossiers où la culpabilité des IEM, ces collaborateurs, ne faisait aucun doute. La semaine passée, vous m'avez parlé de ce poète, Sacha Anderson, qui avait trahi les siens pendant de longues années. Certes, et les exemples semblables sont légion. En tout cas, ceux très nombreux qui ont pu accéder à leurs dossiers ont été préalablement mis en garde. Ouais, car le contenu de ces archives était explosif. Et pouvait générer de véritables drames humains. Comme dans le film « La vie des autres ». Mais vous le savez, puisque nous avons évoqué cette histoire dans ce cas précis. La réalité a rattrapé la fiction, puisque l'acteur principal, Ulrich Mühe, a appris après le tournage qu'il avait été vraisemblablement espionné par sa propre épouse. Et justement, c'est d'une affaire assez proche que je voudrais vous parler, celle des époux Wollenberger. Une affaire qui a mis en évidence le machiavélisme des méthodes de la Stasi et a fait sensation en Allemagne. Un exemple parmi d'autres, celui de l'écrivain est-allemand Lutz Rathenau. lors de l'ouverture des archives de la Stasi, il a découvert à son nom 15 classeurs de 400 pages chacun, et il a pu établir que 60 informateurs avaient été attachés à ces basques. Des espions qui notaient tout ce qui concernait son existence, même les détails les plus anodins ou les plus ridicules. Dans leur livre « Parfaits espions », Luc Rosenweg et Yacine Le Forestier évoquent son cas. Le dossier Ratneau est plus détaillé que le plus précis des journaux intimes. Je peux pratiquement calculer le nombre de fois que je me suis fait couper les cheveux, l'évolution de la longueur de ma barbe d'année en année, dit-il. Les pages sont noircies de banalités sidérantes. Dans le plan qu'elle avait dressé le 25 août 1988 du logement de Ratneau dans la Gabelsberger Straße, la police, telle un huissier, localisait la planche à repasser, les jouets des enfants, le canapé, la radio ou l'annuaire téléphonique de Berlin-Ouest. Ratneau a retrouvé dans son dossier la transcription de conversations insignifiantes avec son voisin de palier. Nous parlions de la pluie et du beau temps, il en sortait 2 ou 3 pages. Je suis certain que mon voisin mouchardait pour échapper un instant à l'ennui mortel et à la grisaille qui caractérisait la vie quotidienne en RDA. Les gens se sentaient mis en valeur lorsque la Stasi leur demandait de jouer les agents secrets. Ils aimaient qu'on leur accorde de l'importance. Ils appréciaient aussi cette relation clandestine avec la police politique. Les liens des IM avec le ministère devenaient plus forts que les relations familiales ou amoureuses. Cet ouvrage a été publié par les éditions du Rocher. Alors, les époux Wollenberger. Elle, Vera Langsfeld, est une jolie jeune femme, très engagée dans la vie politique. Allemande de l'Est. Oui, oui, elle est née en Thuringe, un des Landes de la RDA. Son père est un officier de la Stasi. Dès qu'elle l'apprend, la jeune femme quitte le domicile parental. Ah oui, alors quel âge, là? 18 ans. Notez bien qu'elle n'est pas anticommuniste, non. C'est une jeune fille idéaliste qui rêve de progrès social et croit alors aux vertus du socialisme. Oui, ce qu'on a appelé plus tard en Tchécoslovaquie le socialisme à visage humain. Ouais, c'est à peu près ça. Et si elle rompt avec son père, c'est qu'elle désapprouve ses activités policières. Et donc le système répressif mis en place par le régime. Certainement. Mais ça ne l'empêchera pas, quelques années après, de rejoindre le SED, c'est-à-dire le Parti communiste est-allemand. En attendant, elle entre à l'université Humboldt de Berlin et étudie la philosophie, la théologie. Puis à la fin de ses études, elle trouve du travail à l'Académie des sciences de la RDA. Qui veut-elle, là? Elle a été engagée comme lectrice et collaboratrice scientifique. Elle est donc entrée de plein pied dans le système. Hein? Ah, tout à fait. Puis elle se marie. Lui se nomme Knud Wollenberger. Ensemble, ils auront 2 enfants. Ouais, et quelle est la profession de ce quoi? Knud, c'est ça? Oui, il est poète. Et il fréquente ce quartier de Berlin, le Prenzlauer Berg, dont nous avons parlé la semaine dernière. Un quartier où se regroupent des marginaux et des dissidents. Hein. Oui, de jeunes artistes, dont le chef de file deviendra Sacha Anderson, après l'expulsion du chanteur-poète et dissident Wolf Biermann. Et c'est d'ailleurs Biermann, réfugié en Allemagne de l'Ouest, qui dénoncera celui qui lui a succédé dans le cœur des contestataires du Prenzlauer Berg. Hein. Bon, inutile d'y revenir, puisque nous avons longuement évoqué le sujet dans notre précédent entretien. Et revenons à ce Knud Wollenberger. Ouais. C'est un barbu, au regard doux, un peu rêveur. Une sorte de baba cool. Exactement ça. Ouais. Et bien sûr, il se pique d'écologie. Au reste, dans le couple, c'est plutôt madame qui porte la culotte. Knud se contente de suivre son épouse. Une épouse qui a une forte personnalité et prend bientôt ses distances avec le Parti communiste. Mmh. À quelle occasion? À propos de l'installation en RDA de missiles soviétiques porteurs de charges nucléaires. Militante du mouvement Femmes pour la paix, elle proteste vivement contre cette escalade militaire. Et bien évidemment, elle finit par être virée du Parti communiste et perd du même coup son travail. Alors la voilà cataloguée comme dissidente. Et pour gagner sa vie, cette écologiste née se fait apicultrice. Mais elle sait qu'elle va désormais être l'objet d'une surveillance accrue de la Stasi. Cependant, cette jeune femme volontaire n'est pas décidée à se taire. Elle continue à s'exprimer et même à manifester publiquement. Au début de 1988, ça lui vaut d'être arrêté et incarcéré pendant 6 mois pour tentative de conspiration. Cependant, dès sa libération, elle récidive et finalement elle est expulsée de RDA. Et où part-elle, là? En Grande-Bretagne, où elle reprend ses études à Cambridge. Elle y étudie la philosophie des religions. Et m'avez-vous dit, elle s'est déjà intéressée à la théologie? Incontestablement. Ouais. Il y a dans son engagement politique une dimension religieuse. On le verra un peu plus tard, lorsque finalement elle rejoindra la démocratie chrétienne. Quoi qu'il en soit, dès la chute du mur de Berlin, à l'automne 1989, elle revient chez elle, en RDA, et elle est l'une des fondatrices du Parti Vert. Écologiste, donc. Mmh. Elle n'a en rien renoncé à ses convictions. Et l'année suivante, candidate aux premières élections législatives pan-allemandes, elle est élue au Bundestag. Le Parlement allemand. Hein. Députée à 38 ans, elle est aussi lauréate d'un prix de la paix décerné à Aix-la-Chapelle et est destinée à récompenser son combat pour les droits civiques. À la tribune du Parlement, Vera Wallenberger plaide alors inlassablement contre l'oubli pour la réhabilitation des victimes du régime communiste et la condamnation, au moins morale, des responsables. Demande-t-elle l'ouverture des archives de la Stasi? Bien sûr. Elle en est l'une des plus chaudes partisanes. D'autant plus qu'en 1991, de vilains bruits commencent à courir sur son mari. De quoi s'agit-il? On murmure que Knut Wallenberger aurait été un informateur de la Stasi, l'un de ces IM qui foisonnaient dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Alors c'est une raison de plus pour elle de demander l'ouverture des archives. Bien évidemment. Non pas qu'elle soit vraiment inquiète quant à la probité de son époux, mais elle tient quand même à vérifier par elle-même. Ne serait-ce, j'imagine, que pour démentir ses insinuations malveillantes. Mais dès qu'elle peut avoir accès à son dossier, grâce à l'ouverture des archives effectives en janvier 92, le ciel lui tombe sur la tête. Il ne s'agissait pas de rumeurs. Non, non. Vera réalise très vite que l'IM désigné sous le nom de code Donald ne peut être que son mari, car il est le seul à pouvoir connaître les détails les plus intimes de leur vie de couple. Car il a aussi établi des rapports sur cet aspect confidentiel de leur relation. Oui, oui, tout est raconté par le menu. Pour Vera, c'est comme un viol. Et sa première réaction, dira-t-elle un tout petit peu plus tard, est de se précipiter dans les toilettes du bâtiment des archives et de vomir. L'horreur. Elle confiera aussi à ses proches ce que j'ai traversé. Je ne le souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi. Détail de peu d'importance, mais qui en dit quand même long sur la façon dont elle était considérée par la Stasi. Si dans les documents dont elle a pris connaissance, Knud figurait sous le pseudonyme de Donald, elle-même était affublée du nom de code Virus. C'était peut-être une façon pour la Stasi de reconnaître son pouvoir de nuisance, non? Et Knud, lui, savait-il qu'elle était ainsi identifiée? Naturellement. Et après cette terrible révélation, j'imagine qu'elle a demandé des explications à son mari. Il ne pouvait pas en être autrement. Alors Knud, alias Donald, a commencé par nier. Mais au bout d'à peine un quart d'heure, il s'est effondré et il a tout avoué. A-t-il dit pourquoi il espionnait son épouse? Non, pas vraiment. Comme beaucoup d'autres IM démasqués, il a été incapable de donner des explications plausibles, ni même de prendre la conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. Tout au plus, Vera a-t-il appris qu'il avait commencé à collaborer avec la Stasi à l'âge de 20 ans. Alors, avant son mariage? Oui, oui, oui. Ensuite, ayant mis la main dans l'engrenage, il ne pouvait plus reculer. Alors, une autre question se pose. S'il était déjà un IM de la Stasi avant son mariage, n'a-t-il pas épousé Vera sur ordre? Ça, il ne l'a pas, bien sûr, avoué à sa femme. Mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Car déjà, lorsque Vera l'a rencontré, la jeune femme commençait à s'éloigner du Parti communiste et faisait preuve d'esprit critique. Une militante à surveiller, donc. On peut le penser. Comme dans tout régime stalinien, les militants communistes n'étaient pas les derniers à être surveillés. Afin de vérifier qu'ils restaient dans la ligne. Et de les chasser dans le cas contraire. Les bolcheviks, sous le prétexte de fortifier le parti, ont toujours procédé par épuration successive. Je m'éloigne un peu. Vera Wallenberger a découvert également, dans l'énorme dossier que la Stasi avait constitué sur elle, que plus de 50 IM l'avaient espionnée. Alors Knud n'était qu'un parmi les autres. Mais le plus à même de donner des renseignements très complets à ses maîtres. Ce qui est étonnant dans son cas, c'est le passé de sa famille. Un passé qui aurait pourtant pu le dissuader de devenir un mouchard. Racontez là. Knud Wallenberger était le fils d'un militant anti-nazi qui avait fui l'Allemagne en 1937 et s'était réfugié aux États-Unis. Mais au début des années 50, sans doute parce qu'il professait toujours des idées de gauche. Victime du macartisme, il a dû quitter son pays d'accueil et revenir en Allemagne. Mais du côté communiste. Oui, il avouait en tout cas qu'il y avait là pour lui et pour son fils de quoi être vacciné pour toujours contre la délation. Mais Knut, son fils, lui n'a pas retenu la leçon. Et ici, il faut mettre l'accent sur un aspect très particulier de l'activité et des méthodes de la Stasi. Et paradoxalement, c'est Vera Wallenberger qui va en avoir la primeur. En recevant, tenez-vous bien, la visite de l'ex-officier traitant de son époux. Ah bon ? Et que vient-il faire chez elle, là ? Lui présenter des excuses ? Ah non, non, benoîtement, cet agent de la Stasi se répand en compliments sur Knud. Un si zélé collaborateur, un de ses meilleurs éléments. C'est quoi, il m'en fout, cette histoire ? Ah bah pas tant que ça. La Stasi, telle que certains se la représentaient, était une sorte de grande famille. C'était parfois le dernier refuge d'être déboussolé. Ça paraît quand même un peu gros. Ah bah attendez, c'est pas fini. Cet officier de la Stasi ose ajouter, quant à vous, Vera Wallenberger, tout le service vous aimait bien. Ah bon ? Et bref, il était presque désolé d'avoir fait espionner une femme aussi remarquable par son mari, à qui on avait quand même attribué le pseudonyme de Virus. Hein. Difficile d'être aussi cynique, non ? La suite, bon, vous le pensez bien, était inévitable. Vera s'est séparée de son mari, a repris son nom de jeune fille, et plus que jamais, elle s'est lancée dans le combat politique, abandonnant même les Verts, coupables de complaisance à l'égard du PDS, l'ancien parti communiste. Mais elle est blessée à jamais, et encore a-t-elle sans doute échappé au pire, si l'on en juge par des exemples encore plus tragiques. En novembre 1999, un journal de Munich, le Süddeutsche Zeitung, a évoqué le destin de quelques-unes des victimes de la Stasi, et parmi elles, celui de Vera Wallenberger, aujourd'hui Vera Langsfeld. Et je lis ceci. Rien n'est cicatrisé. La réconciliation reste pour elle une question purement théorique. Aujourd'hui encore, Vera Langsfeld s'emporte lorsqu'elle parle de son ex-mari. Des années durant, celui-ci l'a espionnée pour la Stasi. « Je ne suis pas une victime », affirme cette militante pour les droits civiques qui souhaite oublier ce qui s'est passé, mais n'est pas prête à pardonner. Elle réagit avec autant de véhémence face aux ex-camarades du parti, Gregor Gysi, président du PDS, le parti qui a succédé au SED, le parti communiste de la RDA, tremble quand il me voit, assure Vera Langsfeld, qui fut membre du SED, étudia le marxisme-léninisme et travailla à l'Académie des sciences de RDA, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que la théorie ne collait pas avec la pratique. Vera Langsfeld s'est faite apicultrice, a fondé le cercle de Pankow pour la paix et a atterri en prison. Puis, elle a quitté le territoire. Il lui arrive parfois de regretter d'être revenu le 9 novembre 1989. Élue députée verte au Bundestag, elle est passée dans les rangs de la CDU par haine du PDS. Elle ne veut pas entendre les Allemands de l'Est se plaindre. « Chacun est personnellement responsable de sa vie », clame-t-elle. Ironie de l'histoire, c'est précisément la CDU qui parle, à l'heure actuelle, de se rapprocher du PDS. Vera Langsfeld est outrée. Elle n'est pas du genre à se taire et continuera à protester. La Stasi ne s'est pas contentée d'user de méthodes d'espionnage pour museler l'opposition et prévenir une éventuelle implosion du système. Elle a parfois employé des moyens beaucoup plus coercitifs. Par exemple, à l'imitation du grand frère soviétique, les dirigeants est-allemands ont fait appel à la psychiatrie pour venir à bout de quelques dissidents particulièement coriaces. En les faisant interner ? Oui, oui, dans des établissements contrôlés en sous-main par la police secrète où les prétendus malades étaient abrutis de drogues diverses ou subissaient de véritables lavages de cerveau. Mais la Stasi est allée encore plus loin. Au moins jusque dans les années 60, elle a perpétré des assassinats afin de se débarrasser de quelques personnages indésirables. Ensuite, elle a abandonné ses méthodes ? À l'intérieur de la RDA, oui, encore que... Enfin, n'allons pas trop vite. Par contre, il est certain que des transfuges ou des fuyards ont fait l'objet d'opérations homo, en dehors du territoire est-allemand, et principalement en Allemagne de l'Ouest. Mais homo pour homicide. Naturellement. La Stasi avait même mis sur pied un réseau de gangsters pour exécuter ses missions extérieures. Deux hommes de main. Grassement payés. Ainsi, on est à peu près certain qu'un célèbre footballeur du Dynamo Berlin, un club très proche de la Stasi, a été victime d'un assassinat maquillé en accident de la route. Pourquoi alors? Bah parce qu'il était passé à l'ouest. Ah ouais. Mais avez-vous dit, en RDA même, la Stasi avait renoncé à ses méthodes expéditives. Vous avez quand même laissé entendre qu'il pouvait y avoir des exceptions. L'une au moins, celle du physicien et philosophe Robert Havemann, une figure emblématique de la dissidence est-allemande, et principalement à cause de son passé. Expliquez, là. Havemann a d'abord été un illustre opposant sous le régime nazi. En 1943, il est même condamné à mort pour haute trahison et publication d'écrits antifascistes. Cependant, sa peine est commuée en prison à perpétuité. Une détention très dure. Quand l'armée rouge le délivre en 1945, Havemann, devenu tuberculeux, est un quasi-moribond. Rétabli, ce héros de la lutte contre Hitler est élu député du Parlement de la toute nouvelle RDA. Et comme de nombreux intellectuels de l'après-guerre, il rejoint les rangs du Parti communiste. Mais il va vite perdre ses illusions, c'est ça? Oui, oui. Il ne peut accepter le raidissement progressif du régime. Sa stalinisation. Et dès lors, il devient une cible pour la Stasi. Exclu du parti, il est aussi chassé de l'université et de l'Académie des sciences. Mais cet homme qui a courageusement résisté aux nazis n'est pas du genre à s'incliner. Il continue donc à s'exprimer et devient le chef de file de la contestation. Pour le régime, c'est inacceptable. Alors les autorités prennent la décision de le placer en résidence surveillée. Sa maison, située au bord du lac de Mecklembourg, devient une vraie forteresse surveillée en permanence par des dizaines de policiers. Détail comique, cette présence des forces de l'ordre est si pesante que ses voisins, appartenant pourtant au gratin du régime, finissent par se plaindre en haut lieu. Mais ce harcèlement permanent use peu à peu cet homme dont la santé a déjà été gravement altérée lors de sa détention dans les prisons nazies. C'est la tuberculose. Oui, oui, il rechute et doit être hospitalisé dans une clinique de Berlin. On lui propose alors une opération, mais Havemann refuse. Pourquoi? Ben, il se méfie, et il a raison. Le médecin spécialiste des affections pulmonaires qui s'occupe de lui est en effet un agent de la Stasi. Et il a reçu des ordres de ses chefs, non seulement il lui est demandé d'interdire à son patient tout contact avec l'extérieur, mais il doit aussi lui donner des estimations erronées sur son état physique et mental. Un faux diagnostic, donc. Ça ne suffit pas encore. Il est également chargé d'entraver la guérison du philosophe. Et le professeur Havemann finit par en mourir. Les délicates attentions de la Stasi ne s'arrêtent pas là. Lors des obsèques du malheureux, les agents de la police secrète sont présents et fichent tous les participants. Une opération qui se répétera à chaque anniversaire de la mort du contestataire, tant le régime craint que les amis politiques du défunt n'en profitent pour organiser des manifestations hostiles. Mais a-t-on pu recueillir des preuves au sujet des agissements de ce médecin? Dès que les archives de la Stasi ont été ouvertes, la veuve de Robert Havemann, Katja, a consulté les pédossiers de son mari. Elle a retrouvé des documents accablants. Des ordres donnés aux médecins et même des examens de laboratoire qui ont conforté sa conviction. Si son époux n'a pas été à proprement parler assassiné, il a été au moins victime d'une non-assistance à personne en danger. Alors, à votre avis, là, malgré la volonté des autorités allemandes d'ouvrir largement les archives, est-ce que le cancer de la Stasi a été définitivement éradiqué? Je ne le pense pas, car il reste de nombreuses zones d'ombre. Les archives de la Stasi n'ont pas révélé tous leurs secrets. Mais le voulait-on vraiment? Vous insinuez alors qu'on n'aurait pas voulu faire toute la lumière. Je le pense, oui. Parce que la pieuvre avait pénétré trop profondément la société est-allemande. Trop de compromissions. En particulier au plus haut niveau, tant dans les milieux économiques que politiques. Tenez, moi ce qui m'a toujours étonné, c'est le sort qui a été réservé à Erich Milke, l'inamovible ministre de la Sécurité de la RDA. Et donc le véritable chef de la Stasi. En effet. C'était l'homme qui en connaissait tous les secrets. Bon, certes, Milke a été inquiété par la justice de l'Allemagne réunifiée. Il a même été condamné à 6 ans de prison. Mais pas en tant que responsable suprême des crimes de la Stasi, non. Milke a été jugé pour avoir assassiné 2 policiers en 1931 sur la foi d'une enquête entreprise autrefois par la police nazie. La police nazie. Et ça prouve alors, selon vous, qu'on n'a pas voulu savoir. En tous les cas, ça mérite qu'on s'interroge, non? D'ailleurs, Milke n'a pas tardé à être libéré et devenu sénile. Il a tranquillement fini ses jours dans une maison de retraite. muet à tout jamais. Christa Wolf est l'un des auteurs allemands les plus prestigieux. Originaire de la RDA, où elle a vécu jusqu'à la fin du régime, elle n'a démissionné du Parti communiste qu'en octobre 1989, c'est-à-dire au moment où les contestataires sont descendus dans la rue peu de temps avant la chute du mur. Une réaction tardive qui lui a été souvent reprochée, comme on lui a également reproché de n'avoir publié l'un de ses livres les plus importants, Ce qui reste, qu'après la réunification. Pourtant, dans cet ouvrage, elle raconte en détail la surveillance permanente dont elle a été l'objet par les hommes de la Stasi. Alors, pourquoi ne pas l'avoir rendue publique avant, quitte à le faire éditer à l'Ouest? Néanmoins, ce livre, où Christa Wolf décrit le malaise insidieux qui imprégnait la société est-allemande, demeure un témoignage irremplaçable sur les agissements de la Stasi. Extrait. Au moins une, mais certainement deux fois l'été dernier, ces jeunes messieurs ou leurs collègues avec une formation spéciale dans l'ouverture des portes avaient visité notre appartement en notre absence, sans compter cependant avec la manie de la propreté de Madame C qui, lorsqu'elle quitte l'appartement après avoir terminé son travail, efface ses propres traces de pas derrière elle avec un chiffon doux, si bien que cela ne put qu'éveiller ses soupçons lorsque le lendemain, elle aperçut nettement l'empreinte d'une semelle en caoutchouc d'une chaussure d'homme taille 41-42 sur quelques seuils de porte et sur le parquet sombre de la pièce du milieu. Sur quoi, après avoir soigneusement effacé ses traces et avant de quitter elle-même l'appartement, Madame C, qui ne se laisse pas facilement décourager, répandit sur le paillasson derrière la porte d'entrée, selon la bonne vieille méthode, comme elle disait, un peu de farine qui, comme il fallait s'y attendre, allait faire apparaître les traces de pas beaucoup plus nettement le lendemain. D'autre part, dans la salle de bain, les débris du miroir mural se trouvaient dans le lavabo sans qu'on eût pu trouver à cela une explication naturelle. La conclusion s'imposait à nous. Ces jeunes messieurs n'avaient pas la moindre intention de dissimuler leur visite dans notre appartement. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation, dit une connaissance qui prétendait être parfaitement au courant. Le livre de Christa Wolf a été publié en France chez Stock. D'autres références, une société sous surveillance de Sonia Combes chez Albin Michel, et un ouvrage très récent, Une épuration allemande de Guillaume Mouralis chez Fayard. Et enfin, l'essai passionnant de Christelle Lopotolek, qui décrit notamment la vie quotidienne des Allemands en RDA, Allemagne de l'Est, la frontière invisible, aux éditions Bartilla, s'est publié en 2004, et puis aussi Stasiland d'Anna Funder, aux éditions Héloïse d'Ormesson, autant